des Grieux, après avoir consacré 24 heures au repos et à la méditation, se rendit sur le soir à l'hôpital général, comme un étranger curieux. En interrogeant habilement un concierge, il apprit qu'un des administrateurs, M. de T, point de suspension, avait un fils en âge d'être marié. Il alla au plus tôt expliquer sa situation à ce jeune homme, qui se trouva heureusement de naturel ouvert et généreux. Sans que son crédit fût assez grand pour libérer Manon, il pouvait du moins permettre au chevalier de l'avoir. Ils arrivèrent ensemble, le lendemain, à la porte de l'hôpital. M. de T parla à quelques concierges de la maison, qui s'empressèrent de lui offrir tout ce qui se dépendait d'eux pour sa satisfaction. Il se fit montrer le quartier où Manon avait sa chambre. Nous approchâmes de sa porte. Mon cœur battait violemment. Je dis à M. de T, « Entrez seul et prévenez-la sur ma visite, car j'appréhende qu'elle ne soit trop saisie en me voyant tout d'un coup. » La porte nous fut ouverte. Je demeurai dans la galerie. J'entendis néanmoins leur discours. Elle comprit que j'étais à la porte. J'entrai lorsqu'elle y accourait avec précipitation. Nous nous embrassâmes avec cette effusion de tendresse qu'une absence de 3 mois fait trouver si charmante à de parfaits amants.